devrais rester couché ou aller me cacher. Mais non, moi, pauvre con, j'accours et je réponds. À la porte, il y a trois types masqués. Le plus gros va parler. Monsieur, voulez-vous nous encourager? On est des anciens prisonniers battus, violés, molestés par la société. On vend des montres à 100$, du chocolat 20$ sur la barre, des tondeuses à gazon et même des cinémas maison. Finalement, j'hypothèque la maison pour acheter quelques crayons. Ça sonne, c'est le téléphone. Je devrais faire le sourd, me cacher dans la cour. Mais non, moi, pauvre idiot, je décroche et je dis allons. Une petite voix mielleuse susurre des paroles têteuses. Monsieur, on organise une équipe de basket avec des pygmées. Notre objectif est assez élevé. Nous sommes justement dans votre quartier, avec un camion pour accepter les dons de meubles ou de vêtements de votre maison ou appartement. Finalement, je vide toute la maison, question de faire un don. On sonne à la porte, ça sonne, c'est le téléphone. Assez, assez, laissez-moi respirer. Assez, assez, laissez-moi me ressourcer. Assez, assez, ou je vais venir l'armée. Ça sonne, c'est le temps.